Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes, donc comme tous les mois, en direct le troisième lundi de 19h à 20h30, la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, est retransmis le jeudi de la quatrième semaine, quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et puis on a toujours un blog, le blog La jungle des luttes, où vous pouvez retrouver toutes nos émissions. C'est un peu comme le mois dernier, on n'a toujours pas réussi à mettre en ligne les émissions depuis 2017, mais ça ne serait tardé. Vous pouvez donc, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte CSPCL, nous retrouver donc toujours le premier et troisième et cinquième mercredi du mois à la CNT, dans les locaux de la CNT, où on a notre assemblée à 20h30. Donc, si vous voulez nous joindre, nous rencontrer plutôt. Et on sera également ce week-end à la Parole Errante, puisqu'il y a le festival de la CNT le 23, 24, 25 juin à Montreuil, donc la Parole Errante, 9 rue François de Bergue. Et il y a un programme très chargé, comme la cinquième édition. Toutes les éditions, c'est rempli de concerts et de débats, de projections. Donc là, l'intitulé du festival cette année, c'est « Travail en révolution ». Donc on va avoir l'occasion de parler également du travail, de la souffrance au travail, de la question de l'état d'urgence, des violences policières, et puis de tout un tas de choses. Donc vous avez le programme, si vous allez sur le site de la CNT, vous aurez tout le programme. Et on commencera vendredi 23 avec le bal des actifs de Maltravail. Donc on s'interroge sur le travail, et puis en même temps il y a un autre long métrage sur l'ethnisation en milieu du travail. Et ensuite ces concerts avec Ludwig von 88, Steel Knox, Julie Koller et Ocho Immedia. Donc chansons populaires, ska punk et salsa au programme. Et donc les Ludwig von 88, quand même le retour. Et justement ça tombe très bien, puisque justement ça fait partie de la chanson culte de nos invités aujourd'hui, Tamerantong, la compagnie Tamerantong, TMT, sinon souvent on raccourcit, on dit TMT, donc c'est Tamerantong ou TMT, c'est la même troupe de théâtre, une compagnie qu'on peut dire exceptionnelle, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte tout au cours de notre émission, qui est aussi, pour ceux qui la connaissent, tourne déjà depuis le début des années 90, donc un long chemin parcouru, et un chemin qui, justement, et c'est pour ça que ça nous intéresse encore plus, qui se croise, les chemins se croisent avec l'histoire des apatistes, et donc il y a eu des rencontres à plusieurs reprises de cette compagnie Tamerantong avec les apatistes. Et voilà, les apatistes pour beaucoup sont une source d'inspiration, une énergie de laquelle on peut prendre et puiser pour essayer d'inventer, créer autrement, faire autrement, se relationner autrement et inventer peut-être, comme on a pu le dire déjà depuis plus de 20 ans, un autre monde. Et donc on est avec des copains de Tamerantong. Donc on est avec Gab et Martin et Mehdi. Donc avec tous les trois, on va pouvoir parler de Tamerantong. On remercie évidemment tout le reste de la compagnie. Et puis on a un salut tout particulier à Zine, évidemment, qui quand même depuis des années porte, pas seule évidemment, mais ce projet à bout de bras et qu'on a l'occasion de rencontrer. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous, mais on pense évidemment à elle. C'est grâce à elle que les copains sont là d'ailleurs. Donc un salut à Tamerantong, et donc on commence justement avec leur petite chanson et 1 minute 37 et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Les jungles des luttes, FPP, musique. Alors, on a un petit problème technique. Ça marchait jusqu'au début, mais donc vous aurez reconnu les Ludwig 88 Tamaranton. Bah, c'est pas grave, on essaiera de le récupérer peut-être à un autre moment. Hein, ça. Donc, bonjour et merci d'être avec nous. Du coup, on est. Donc Mehdi nous racontera un petit peu en fin d'émission, il a un petit peu la voix cassée, mais c'est pour de bonnes raisons, en plus avec toutes ces climes et cette chaleur, ça casse la voix. Donc on va parler donc de cette compagnie Tamarantong qui a plus de 20 ans, puisqu'on a fêté ses 20 ans il y a 4-5 ans déjà. Et donc, c'est une grande histoire et c'est surtout une aventure. Bah, c'est une aventure artistique, mais c'est surtout une aventure humaine et j'oserais même dire politique, en sachant que si on prend le mot politique, comme les apatistes nous l'ont appris, à savoir non pas à lutter depuis les partis, les institutions, le pouvoir, mais d'essayer de créer autre chose depuis la base, à se regarder autrement, à construire avec nos différences et pas malgré nos différences. Et donc, toute cette aventure humaine qu'on peut, quand on est dans une aventure collective, justement, créer du lien et créer autre chose et des choses belles. Et notamment, en tous les cas, voilà, Gab, lui, justement, c'était un spectateur. Comme moi, j'ai pu être spectatrice à un moment. On a été très touchés. Et donc, justement, lui, Gab, il s'est dit, non, c'est de l'autre côté qu'il faut que je passe, il faut que je travaille avec Tamarantong. Donc, on va peut-être te laisser présenter un petit peu Tamarantong pour... les personnes qui ne connaissent pas encore TMT. Oui, Tamarantong, TMT, c'est une compagnie de théâtre qui fait des ateliers de théâtre dans trois quartiers d'Île-de-France, à Paris-Belleville, à la Plaine-Saint-Denis et à Mantes-la-Jolie. Et voilà, on travaille à des cycles d'initiation, à des créations annuelles et à de grands spectacles qui partent en tournée. Donc... Voilà ce qu'on fait. Et du coup, vous travaillez simultanément, il y a plusieurs groupes en même temps qui travaillent avec donc des enfants qui sont très jeunes. Voilà, les trois troupes travaillent. On a des enfants qui vont de 5-6 ans jusqu'à la troupe de la Plaine-Saint-Denis, les plus âgés qui ont 16 ans. Donc, c'est trois troupes qui travaillent simultanément avec des enfants et des adolescents. Et des spectacles différents. Parfois, il n'y a pas de spectacle. Par exemple, actuellement, sur notre troupe de Belleville, on est dans un cycle d'initiation où les enfants apprennent vraiment les bases à la fois de la technique théâtrale et de la vie en collectif, de comment on se comporte les uns avec les autres. Et donc, dans un premier temps, il n'y a pas de spectacle. On est vraiment sur l'apprentissage des bases de ce qui fait Tamarantong. Et parce que c'est un petit peu difficile à imaginer, parce que vous y prenez comment ? Donc du coup, là, on a compris que vous travaillez en fait en partenariat avec des écoles. On a tout un réseau de partenaires sur le terrain dans les quartiers où on travaille, qui sont indispensables, qui sont la condition absolument nécessaire pour que nous, on travaille. C'est ce partenariat avec les écoles, avec les associations, avec les mairies aussi, pour que on puisse constituer un réseau autour des enfants et des familles avec lesquelles on travaille et que notre apprentissage du travail soit accompagné à la fois par les familles et par des structures dans les quartiers. Oui, parce qu'en fait, tel qu'on le voit comme ça, c'est peut-être pas très lisible, mais c'est justement pas des ateliers théâtre que vous proposez. Parce que tu as commencé par dire, on fait des ateliers, mais c'est plus que des ateliers, c'est une aventure humaine théâtrale qui à travers le théâtre. Oui, voilà. Qui passe. Et effectivement, on essaye au maximum de garder les enfants pendant plusieurs années pour que cet apprentissage soit bénéfique et que voilà, on puisse déboucher sur des aventures et sur une certaine émancipation de ces enfants par le théâtre. Ouais, c'est ça, c'est plus là une pépinière pour créer des jeunes conscients plus que des jeunes talents, on va dire. L'idée, c'est plutôt de créer des jeunes conscients et qui puissent, pour que ces jeunes puissent entrer dans la vie avec une ouverture d'esprit, des questionnements, des réflexions, et puis une expérience aussi du collectif, pas parce que dans ce monde-là individualiste où justement on peut penser que à travers le théâtre on fait une petite activité théâtre, ça nous donne une vision, mais après je pense que c'est ce qui m'a frappé dans Ta mère en tongs, c'est au-delà de la beauté du spectacle, le fait d'être touché par la force des enfants qui jouent à 7, 8, 9 ans des rôles très très forts et donc avec un grand professionnalisme, et en même temps quand on sait que on va pouvoir en parler justement, qu'on se déplace où il y a des tournées avec des enfants et donc avec toute une logistique derrière, moi je trouve que c'est justement, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est que c'est une expérience assez exceptionnelle justement par rapport au collectif justement et à l'apprentissage qu'il y a plus que du théâtre de la vie. Ta mère en tongs, c'est avant tout un collectif. C'est déjà un collectif d'adultes, un très grand collectif d'adultes, parce que sur les grands spectacles tels que La Tzigane de Lord Stanley, qui est le spectacle qui tourne actuellement, qui est joué par la troupe de la Plaine-Saint-Denis, sur ces gros spectacles, on peut être jusqu'à 20-25 adultes qui encadrent les enfants au moment des représentations. Donc c'est avant tout un collectif. Qui est né il y a 25 ans, qui a été créé, tu l'as dit, par Xin, Christine Pelican, avec une bande de copains qui venaient du rock alternatif, etc., qui a beaucoup appris aussi dans sa manière de travailler en collectif de la rébellion zapatiste, et ce lien qui existe, il est aussi sur la façon de travailler, comment on est en lien les uns avec les autres, et c'est quelque chose, effectivement, que dès le début, dès que les enfants à 5-6 ans rejoignent une troupe de Ta mère en tongs, on essaye de partager avec eux. C'est essentiel, et c'est comme ça qu'on construit nos spectacles et nos projets. Et c'est comme ça que vous le présentez aux parents et aux mairies et... Oui, c'est, en tout cas, sur ce goût du collectif, qui est un terme qu'on préfère au vivre ensemble qui est employé par ces institutions-là, mais en tout cas dans le dialogue avec ces institutions, on met en avant effectivement cet apprentissage de ce que nous on appelle le collectif et qu'ils appellent le vivre ensemble, c'est-à-dire comment on est les uns avec les autres, quel lien on établit les uns avec les autres. Et sur une scène, c'est la même chose, c'est comment on ne joue pas tout seul sur ses rails, on est en lien, les acteurs sont en lien les uns avec les autres. Et donc du coup, il y a déjà eu plusieurs tournées, oui. Des grandes tournées, donc avec plusieurs spectacles emblématiques, du coup, qui font un petit peu... donc il y avait moi, j'ai surtout connu, évidemment, au moment de Zorro et les Zapatos, mais donc avant, il y a eu... Il y a eu Ali Baba et les Chefs du Rail au début des années 90, qui avait fait une tournée qui était partie notamment jouer en Tunisie. Il y a ensuite eu La Sacrée Grolle qui est partie au Canada. Et ensuite, effectivement, il y a eu l'aventure à Belleville puis à Mantes-la-Jolie de Zorro El Zapato, qui a été la grande rencontre avec les zapatistes. Ouais. Et donc, du coup, on y reviendra plus longuement tout à l'heure sur cette pièce, puisqu'on a justement le Zapatito, l'authentique, qui a eu l'occasion de rencontrer les zapatistes en direct avec nous sur cette table. Donc, on va lui laisser un moment et tout pour nous raconter son aventure. On l'appelle Zappa, ta mère en tongs. D'accord, Zappa. Ouais, parce que Zapatito, c'est sûr que voilà, les Zapatito a grandi. Ouais, c'est ça. Il a pris de l'âge. C'est ça, il a pris combien ? Il a pris 16 ans. Hein. Il a pris 16 ans depuis, c'est ça. C'est ça qui est beau aussi, justement, cette capacité à justement travailler sur la longueur, c'est-à-dire, donc il y a eu Zorro El Zapato, ensuite il y a eu Western. Il y a eu Western, les bons, les brutes et les truands, Mehdi qui est là aussi à jouer dedans. Donc ça, c'était avec la troupe de Belleville. Ils sont partis jouer en Italie à l'invitation des associations anti-mafia. Et là, depuis 2013, avec la troupe de la Plaine-Saint-Denis, on tourne la pièce La Tzigane de Lord Stanley, qui est une pièce qui, à partir d'un conte tzigane, raconte une histoire d'amour entre la fille de la Compagna, de la famille tzigane, et un lord anglais. Et à partir de cette histoire, traite du racisme et de l'exclusion et comment dans nos sociétés on traite l'étranger pauvre. Et du coup, justement, là, il n'y a plus de date hein, sur Paris. Là. Ça y est, vous avez fini votre tournée. Il n'y en a plus pour cette saison. Voilà. On rejouera à Paris la saison prochaine. Il y a encore quelques mois de tournée devant nous. Et, Donc on vous invite à être attentif parce que c'est vraiment un très beau spectacle. Dès qu'il y aura des dates fermes et programmées à Paris, vous serez les premiers à le savoir. Voilà, et on fera passer le message du coup sur les ondes d'FPP. Sinon, de toute façon, j'imagine qu'il y a un site, si on compagnie ta mère en tongue, j'imagine que... Facebook. Tout, vous êtes super équipés. C-I-E, ta mère en tongue. Facile. Voilà. Ah ouais, on est moderne aussi. Il faut. En plus, les gens regardent énormément hein, maintenant. Ils sont connectés, donc il faut passer par là hein, si on veut. Enfin, heureusement, il y a encore la radio. On écoute encore la radio aussi. Et donc, justement, on en profite de passer des messages en direct. On va justement passer un petit morceau qui, justement, est dans votre dernière pièce. Là. On y va. Musique. Lâchés en liberté, ça en ferait du bruit sur le boulevard Beaumarchais. 3000 poules à Londres, à Moscou et à Bangkok, on vous les rend, toutes vos poules, et on y rajoute même un coq. J'en ai rêvé dans la foule de bloquer toutes les rues avec des milliers de poules. Et comment on parle plus, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années, 1000 ans de poules. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Marseille, à Brest, à Moscou et Bucarest, 3000 poules lâchées en liberté. Des poules dans des taxis, un poulailler à la Bastille. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. J'en ai rêvé, y'a plus rien dans nos roulottes et dans nos poches non plus. De Paris jusqu'à Mayotte, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années. 1000 ans de poules, les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Et qu'on en parle plus. Toutes les rues avec des milliers de poules. Et comment on parle plus, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années. 1000 ans de poules, les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Et qu'on en parle plus. FPP 106.3, la jungle des luttes. On est avec les copains de Ta mère en tongue, compagnie de théâtre atypique dont on est en train donc de raconter un petit peu l'histoire, un peu comment ça fonctionne, toutes ces créations. Et donc la dernière création justement qui va tourner, là évidemment il y a une pause estivale. Mais donc ça va reprendre à la rentrée, donc on vous invite à pouvoir suivre ce spectacle. Et donc justement un spectacle, donc je te laisse nous raconter un peu justement la fin de cette aventure, tout ce qui est encore en projet, ce qui reste encore à faire. Bah, la Digane de Lord Stanley, oui, la tournée continue. Donc on est en train de construire la dernière saison de tournée de la Digane. Avec l'idée, comme pour chaque spectacle en tournée, on a parlé tout à l'heure de Zorro qui était parti au Mexique, avec les Apatistes évidemment, des Bons, les Brutes et les Truands qui étaient partis en Italie à l'invitation des associations anti-mafia. On essaye toujours de placer dans ces grandes tournées une tournée à l'étranger sur la base du thème du spectacle. Et comme ce spectacle, je disais tout à l'heure, qui parlait du racisme et de l'exclusion, notamment vis-à-vis des Tziganes, vis-à-vis des populations roms. Et donc, on est en train de construire pour avril 2018 une tournée de la Tzigane de Lord Stanley en Slovaquie, parce qu'à l'origine, on a rencontré une troupe de danseurs et de chanteurs Tziganes de Slovaquie, les Kesai Chave. On a tout de suite été séduits par leur énergie, par leur feu incroyable. Et donc, ils nous ont invités à construire ensemble une tournée en Slovaquie. Donc, on est en train d'y travailler tous les jours d'arrache-pied, là, actuellement. Ouais, ça serait une belle aventure. Parce que c'est vrai que les thèmes renvoient toujours, suivent quand même toujours un même chemin. Parce qu'on parlait tout à l'heure... hors antenne de comment ça on fonctionne à TMT, que du coup l'idée c'est de faire autrement, de créer autrement, de se relationner autrement, et donc du coup de s'asseoir sur un certain nombre de principes et de s'y tenir. Et puis du coup il y a aussi justement cette volonté de pouvoir être vraiment dans la réalité d'être, même si le théâtre il y a une dimension fiction jouée, il y a en tous les cas se confronter à la réalité et pas seulement sur la pièce de théâtre mettre en avant, vraiment se confronter. Donc justement Zorro El Zapato. Donc Zorro El Zapato, ça retrace un peu l'histoire du soulèvement, c'est-à-dire le racisme, le mépris, l'oppression des peuples indigènes. Et puis tout à coup, Zorro, un fameux Zorro, comme on connaît tous le héros Zorro, qui viendrait donc justement ouvrir les portes, libérer les chaînes, casser les chaînes de ces indigènes qui justement se soulèvent. Et donc c'est un peu cette histoire Zorro El Zapato qui est tout à fait en écho avec l'histoire des Apatistes qui se sont soulevés, d'où Zorro El Zapato. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout de suite tilté, ce qui n'est pas toujours évident, nous on est peut-être tellement dedans que ça paraît évident, mais il faut un petit peu resituer. Et donc justement c'est ce qui est carrément fabuleux, c'est que non seulement ça a été joué, et donc moi j'ai été évidemment très émue puisque touchée par l'histoire Zapatiste, j'étais d'autant plus touchée quand j'ai vu ces enfants jouer vraiment merveilleusement et être touchée vraiment aussi par cette histoire. C'est-à-dire qu'on sent bien que du coup, plus que dans le mime, il y a une même histoire qui se raconte et c'est la même. Et il suffit juste de changer finalement un décor. Il y a des mêmes... à l'œuvre, c'est qu'on a le même combat, il y a les mêmes énergies qui doivent être mises en avant, les mêmes principes, les mêmes valeurs qu'il faut. Et donc c'était une superbe expérience de l'extérieur, et donc de l'intérieur j'imagine que ça devait être une sacrée aventure à 9 ans. Enfin, 9 ans c'est 2001, mais donc tu avais commencé à jouer déjà plus tôt, je suppose. Ouais, ça puisque a commencé, 2001 c'est l'année où vous avez rencontré Zorro El Zapato. Ça a commencé à tourner en 99. Et je pense que les répétitions, elles ont commencé en 98. Donc moi, je venais de rentrer en CP à l'école Tortille. Et du coup, mes sœurs étaient déjà dans la troupe de Zorro El Zapato à Belleville. Et j'ai rejoint l'entreprise familiale. Voilà. Et du coup, ça a les premières dates, je pense qu'elles sont à l'été 99 et ça a duré jusqu'en mars 2001 où il y a eu donc cette tournée voilà, au Mexique et terminée au théâtre de la Juventud, si je prononce bien en espagnol. Je suis pas sûr. Juventud. Juventud. Ah ouais. C'était plus ça à l'italienne. Là. Ouais, c'est non, ça. Mais. Pardon. Mais c'est surtout important de signaler, surtout que vous avez joué devant la délégation des commandants zapatistes, qui à cette époque-là, donc en 2001, faisait une marche. En pleine négociation. Qui s'appelait Marche des couleurs de la terre. Et donc, du coup, quand. Il y a eu cette marche qui a duré 15 jours où l'objectif était de pouvoir aller jusqu'au Parlement pour qu'il y ait une loi qui soit votée et qui puisse mettre en application des accords qui avaient déjà été du coup négociés, eux, depuis 1996. Donc il y avait eu des accords en 1996 et ils ont profité de la nouvelle élection, de l'élection d'un nouveau président, d'un nouveau parti qui avait promis régler le problème très rapidement. Donc en 2000, puisqu'ils prenaient le pouvoir en décembre 2000. Et donc en 2001, ils sont allés, ils ont proposé de justement aller jusqu'au Congrès pour qu'il y ait une loi pour pouvoir appliquer ces accords. Donc 15 jours à travers le pays. Et à la finale, donc ils rencontrent la compagnie Tamerlan, ses délégués, et ils voient le spectacle en franco-espagnol, parce que c'est ça aussi qui est génial, cette petite invention, c'est-à-dire de pouvoir justement. Être international, hein, très facilement. C'est-à-dire, du coup, vous aviez quand même des petites phrases. Des petits cours d'espagnol voilà. Et on avait essayé de traduire, je pense, un maximum de textes qui étaient possibles pour les enfants entre 9 et 13 ans, donc qui ne parlaient pas du tout espagnol. Donc on a essayé de traduire un maximum. C'était du franc espagnol, quoi. Ouais, un bon mélange à la TMT. Mais ouais, on a. Fragnol, ouais, comme ouais, on dit. Ouais, voilà, c'est ça, Fragnol. Et du coup, ouais, ce commandant Marcos nous avait invités, je crois, au tout début de l'année. Et très vite, Tamerlan, même si ça paraissait assez fou. Impossible, assez fou, réussir à emmener voilà. Tout, parce que donc l'équipe des adultes, l'équipe ouais. Des enfants. Je pense, je sais pas combien il y avait de. On devait être plus je crois de 50 autant, personnes. Ouais, c'est voilà. Ça, il y avait autant d'adultes que d'enfants, si je ne me trompe être, pas de ce que j'avais et cru du comprendre. Coup, en très peu de temps, avec très peu de moyens, mais bon, avec l'objectif de jouer à Mexico et de peut-être potentiellement jouer devant les commandants. Donc, et ça a été fait. Ouais, donc, ça a été, vous avez joué même deux fois. On a joué, je crois qu'on a joué trois ou quatre fois à Mexico ouais. Devant un public. Il y a eu ça, il y a eu la foule, ils ont voilà. Pied de. Et une fois devant les commandants dans un lieu beaucoup plus intime, beaucoup plus sécurisé. En privé, eux. Ouais. Ouais, voilà, en privé. Voilà. Ouais. Et donc on voit d'ailleurs, il y a un film, comment il s'appelle ce film sur l'histoire de Tamerlan, justement, qu'il y avait pour les 20 ans. C'est le film qu'on avait réalisé il y a deux ans pour à l'occasion du séminaire non je sais pas non ou alors c'est peut-être dans les excuse-moi dans les making of le supplément du DVD voilà, Zorro et Zapato voilà c'est ça c'est que du coup il y a voilà dans le making of on voit donc ouais. Les enfants reçus par la commandance c'est-à-dire sous commandant Marcos et tous les autres commandants de la troupe de Belleville, et puis il y a aussi un passage dans le making-of sur la troupe de Mantes-la-Jolie, qui est allée, elle... En 2003, ouais, deux ans après, qui est allée au Chiapas, dans les terres zapatistes. Voilà, donc, dans le caracol d'Oventic. Complètement... Où ça a été encore, voilà, effectivement, une autre aventure. Une autre aventure. Donc ça, c'était génial aussi, parce que du coup, il y en a... Bon, c'était bien aussi qu'il y ait eu deux groupes, qu'il y ait un groupe qui a eu la chance de voir à Mexico, ce qui était aussi de jouer devant un très grand public, enfin, des milliers de personnes... Il y a des gens qui ont été vraiment très frappés, surtout qu'en 2001, l'aventure zapatiste, elle avait encore, au niveau de la société civile, beaucoup de, un ancrage assez fort. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ténu et donc c'est beaucoup plus lié à des réseaux maintenant, voilà, de militants. Après, il y a tout un tas de gens qui, justement, c'est la société civile, on peut dire, de façon globale, comme ça, où... depuis justement 2001, puisqu'il y a eu une rupture des zapatistes, puisque justement la loi en question en 2001 n'a jamais eu le respect des accords. Mm-hmm. Donc ils ont nié cette loi, et donc nié les accords, les négociations et le dialogue, donc du coup rompu avec les parties. À partir de ce moment-là, la société civile s'est détachée. Donc du coup, vous avez vraiment joué au dernier moment devant un public qui était le dernier moment énorme de la société civile en appui avec les apatistes. Après, il y a eu d'autres moments. Je dis à tout le monde de rester devant le micro, puis je suis à la première tournée. Il y a donc justement ces petits passages où c'est très émouvant aussi de voir ces petits enfants. On se retrouve au milieu d'un moment historique, mais nous, dont on n'est pas forcément conscient, mais pour tous les Mexicains, ouais, ça l'était. Et nous, on était au milieu de ça, complètement un peu... En se demandant ce qui t'arrive. Voilà, oui, c'est sûr que déjà, t'as le voyage, déjà prendre l'avion. T'avais sûrement jamais été en Amérique. Non. C'était la première fois sur le continent, dans le Nouveau Monde, et puis se retrouver dans cette effervescence-là, dans cette atmosphère très particulière, parce que... Bon, en plus, toi, t'avais le rôle, un vrai rôle, quoi. le vrai rôle. Du petit Zapatito, ouais. Et du coup, ouais, c'était super impressionnant, mais encore une fois, ouais, on se rend pas du tout compte... plus tard qu'on réalise, parce qu'on essaye de garder le lien, on est du coup sensibilisé à ce qui s'est passé, du coup on est curieux de voir ce qui se passe derrière, de ce qui continue à se passer là-bas, et on se rend compte du poids que c'était à l'époque, cette marche-là, et de rencontrer nous, à travers cette marche-là, de rencontrer le sous-commandant Marcos et tous ses commandants, donc... Ouais, ça fout un peu le vertige, mais après coup, oui, bien sûr. Moment, on est dans le oui, truc. Oui, puis t'es encore enfant naïf, voilà, même si on t'explique l'histoire, et même si l'histoire te fait bien comprendre ce qu'il en est, forcément. C'est pas le même regard, ouais. C'est ça. C'est l'enfance, la magie de l'enfance, les yeux de l'enfance. Et donc là, aujourd'hui, justement, il y a comme ce truc de la famille, l'entreprise familiale, ça devient la famille quand même, ta mère en ton. Donc là, après avoir fini ton expérience, je reviens pour... je suis de retour à ta mère en ton pour voir un peu tout ce qui se passe dans les coulisses, tout le travail en amont. Moi, quand j'ai eu la chance avec ta mère en tongue, donc d'être un des enfants de ta mère en tongue, donc d'être sur scène et d'être bien mis, bien encadré et tout ça. Et du coup, là, je vois un peu tout ce qu'est le travail autour et qui fait que les spectacles se passent aussi bien et ont autant de succès et de tout le boulot autour. Donc, je participe. T'es chez les adultes maintenant, en fait. Voilà, c'est ça. aux différents ateliers, et je vois un peu le travail dans les bureaux, parce qu'il y a un bureau aussi. Il y a des gens qui travaillent. Oui, parce qu'il y a un gros travail administratif aussi, quand même, du coup, pour pouvoir gérer tout. J'observe tout ça. C'est super important ce que dit Martin, là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il appelle les coulisses, c'est ce qui fait que l'aventure de ta mère en tongue, elle dure depuis 25 ans. Parce qu'il y a les moments du spectacle qui sont magiques. Et effectivement, quand on voit pour la première fois, comme ça m'est arrivé, un spectacle de ta mère en tongue, c'est un coup de fouet. On reçoit un coup de fouet positif. Mais derrière, il y a vraiment un travail collectif de fourmis, effectivement, administratif dans les bureaux, de l'équipe artistique, de l'équipe technique, un travail pédagogique avec les enfants et avec les familles, un travail pour aller chercher des financements avec les dents, parce que comme pour toutes les associations, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc voilà, il faut bien voir que derrière la vitrine, que sont les spectacles en tournée, qui sont effectivement des moments merveilleux, il y a vraiment un collectif qui travaille de façon acharnée, quoi. Et du coup, en tous les cas, vous avez en plus, vous réussissez toujours bien votre coup, parce que vous réussissez à être là donc pendant la marche des couleurs de la Terre en 2001, puis présent en 2003 quand justement c'est l'inauguration des caracoles. Donc les caracoles, c'est quand même un moment historique, on peut dire, au niveau de l'histoire du processus de lutte zapatiste, c'est la création des assemblées de bon gouvernement. Donc c'est justement la mise en application des accords sans la loi, puisque la loi n'englobait pas les accords dont on venait de parler. Et donc du coup, c'est mise en application des accords sans la loi, c'est-à-dire le droit à se gouverner soi-même et à gérer le sol et le sous-sol, et donc à créer des espaces de résistance avec donc la possibilité de se gouverner soi-même. Et donc en 2003, c'est ce qu'il présente. Et donc en 2003, c'est les enfants de Mantes-la-Jolie, enfin la compagnie TMT avec les enfants de Mantes-la-Jolie qui sont là. Donc du coup, c'est quand même une bonne, très fort de pouvoir réussir justement, puisque on le disait, c'est des enfants, il faut des autorisations, il faut dépasser les angoisses des familles, des mômes, parce que bon, le Mexique, c'est quand même très loin, c'est un autre pays. De l'argent pour transporter tout le monde, et le décor. Tu te rappelles du Mexique, toi, d'y avoir vécu quelque chose d'autre à part le théâtre ou... Ah bah oui, je me souviens de tous de tout. De pas mal de petits moments qu'on avait entre nous, que ça soit la piñata qu'on avait fait dans la cour du centre social où on dormait à Mexico avec les autres enfants qui étaient là, des foot, des visites à la pyramide, de l'indigestion générale qu'on avait eue avec les œufs qu'on avait mangé là-bas. Non, il y a plein de super souvenirs, et puis il y a ce qui s'est passé sur scène avec une salle quand même c'était très grand, grand avec beaucoup de monde. Je pense qu'on c'est sûr, en France on n'avait jamais joué devant autant de monde, et puis il y avait un vrai une électricité c'est des milliers de places, c'était 1200 ou un truc comme ça, c'était la plus grosse salle, je pense, dans laquelle nous on est joué. Et y a tout ça qui est mélangé, et puis après on revoit les films, on revoit les photos, donc la mémoire a fait son propre, fait un peu un mélange de tout ça, donc on sait pas très bien ce qui est vrai, ce qui est de la reconstruction. On espère bien quand même que le spectacle va, donc il y a quand même un spectacle en cours, des projets en cours de voyage, on va pas tout mettre sur le plat, mais bon. Je pense que ce serait vachement bien de pouvoir réussir à faire un retour à un moment ou à un autre au Mexique, ce serait génial. Ah bah, on rêve que de ça, et en général, quand on commence par rêver, on finit par le faire. Donc voilà, c'est ça. J'allais dire 2018, au moment où il y a la candidature, puisqu'on va avoir l'occasion peut-être d'en reparler. Mais... Donc, comme il y a pas mal d'échéances avec les zapatistes, bon, après, il y en a plein des rendez-vous de toute façon déjà... l'année dernière. Enfin, on va peut-être faire une pause musicale, et puis on va parler de tous ces autres rendez-vous que TMT parce que a eu. Le lien avec les zapatistes, il continue. Donc du coup, on va faire une petite pause musicale. Et donc justement, on espère bien pouvoir vous inviter à venir sur les prochains spectacles. 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30. On est aujourd'hui avec la compagnie Tamerlan, donc TMT, si d'autres les connaissent comme les TMT. Et justement, ce petit morceau donc, qui est extrait du dernier spectacle. J'ai un trou sur le titre. La Tzigane de Lord Stanley, qui donc reprendra ses tournées à la rentrée. Et c'est également donc un morceau qu'on a pu justement chanter quand j'ai eu l'occasion et la chance d'être avec les copains de Tamerlan Tongue, puisque comme on l'a dit, il y a eu officiellement vraiment la rencontre de la compagnie en 2001 et en 2003 avec les enfants qui sont vraiment venus présenter la pièce devant les apatistes à Mexico et à Oventic. Et donc là, du coup, il y a eu aussi la présence de copains de Tamerlan Tongue, de ceux qui ont pu être présents à l'Escuelita, qui était une initiative zapatiste. On a eu l'occasion d'en parler déjà de 2013, hein, l'initiative de 2013. Ouais, hein, parce que l'autre fois, je disais 2014 dans ma tête. Après, j'ai bien vu que non, les années passent, filent. Et des fils, et donc les copains de Tamerlan Tongue, bah, vous étiez une petite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, si délégués de la compagnie à l'Escuelita. Et donc on a été mis ensemble, enfin on a fait le voyage ensemble. Normalement, l'Escuelita, chaque personne avait son votan, c'est-à-dire son zapatiste avec lui. Et aller pouvoir être en communication directe et en échange questions-réponses et en apprentissage de la vie zapatiste. Leur école étant intitulée La liberté selon les zapatistes. Donc on était venus pour apprendre de l'intérieur vraiment de chacune des familles, des communautés. Et donc nous, on a demandé à être ensemble pour des questions de langue, pour des questions peut-être d'envie d'aventure collective jusqu'au bout. Et donc de pouvoir vivre collectivement ce moment. Et donc on était accompagné d'un autre copain, Matt Jacob, photographe, lui aussi qu'on connaît, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui s'intéressait aux zapatistes, d'un autre copain mexicain. Donc on était une bande de 10. Et on a vécu une belle aventure et on a eu l'occasion justement de chanter cette chanson-là lors d'un petit baile qu'on avait. Et il y avait notamment la présence de Jab, qui était un danseur, enfin qui était un cheval dans Zorro El Zapato, qui faisait un cheval, et qui du coup, dans la Tzigane de Lord Stanley, là... Reconversion. Là, tout c'est... Tout, non, mais là, c'est des talents de danseur, vraiment. Donc du coup, il était chaud au moment de l'Escuelita. Il a bien dansé, tapé la terre, le sol... de la garouche. J'imagine très bien. Et donc, nous, raconte-nous, Mehdi, parce que toi, finalement, Tamerlan Tongue, t'es un petit peu né dedans. Ouais, bah tout à fait. Moi, je suis le fils de Christine Pelican, la metteur en scène principale de la compagnie. Et du coup, j'ai toujours été dans la compagnie, c'est-à-dire qu'à 4 ans et demi, à peu près, j'étais pas dans une troupe. Mais je partais déjà pendant les séjours de répétition dans la troupe de Martin, par exemple, ou d'autres troupes de Mantes-la-Jolie, parce que j'allais pas rester tout seul à Paris et que mes deux parents travaillaient à ce moment-là. Et du coup, dès que j'ai eu l'âge de commencer le théâtre, j'ai intégré la troupe de Belleville. Et j'ai fait quelques petites créations qu'on répétait à l'année et qu'on jouait à la fin. Et j'ai participé à la tournée des Bons, des Brutes et des Truands de 2008 à 2012 à peu près. La pièce qu'on est allé jouer en Italie. Et du coup, oui, en 2013, en décembre, quand Tamerlan Tongue a été invité par les Apatistes pour l'Escuelita, je me suis totalement porté volontaire pour cette expérience qui était nouvelle. Et même si j'avais déjà entendu parler de la lutte zapatiste et de la cause, parce que je connaissais la pièce de Roel Zapato avant ça, mais dans le concret, jamais je les avais rencontrés eux, jamais j'avais eu d'expérience visuelle avec eux, jamais j'avais pu dialoguer avec qui que ce soit du Mexique et du Chiapas, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, par exemple, sur cette rencontre? C'était totalement dépaysant. On est arrivé le premier jour, on était à San Cristobal, on y est resté 3 jours, il me semble. Et ensuite, on est allé au CDC au Chiapas de San Cristobal. Au CDC, c'est à San Cristobal. C'est une université indigène, université de la Terre, qui est très en lien avec justement enseigner autrement, apprendre ce qui est utile pour nous, et donc très en lien avec les apatistes, et qui est dans la ville de San Cristobal. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, on est allé, nous, dans le caracol de la Garucha, dans le village de Monterrey, en pleine jungle mexicaine, dans la montagne. Et c'était un autre monde pour moi. Enfin, j'avais jamais vu ça de ma vie. Les premiers jours, j'étais en mode, non, je veux pas salir mes chaussures, il y a de la boue, tout ça. Laisse tomber. Au bout de 2 jours, quand j'ai vu que là-bas, les mômes, ils étaient pieds nus dans la boue, qu'ils en avaient rien à faire, qu'ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles, j'ai fait, mais vas-y, je suis totalement débile de dire ça. Du coup, je me suis laissé embarquer. Je me suis laissé porter par la mentalité positive de là-bas, malgré la pauvreté qui pouvait y avoir dans le village de Monterrey. Et c'était, en plus de ça, l'esprit festif qu'ils avaient là-bas, quand tous les soirs, pas tous les soirs, mais quand il y avait des balles où ils chantaient l'hymne zapatiste et l'hymne mexicain avant de commencer à jouer de la guitare, à faire de la musique, à chanter, à danser tous ensemble. C'était une expérience de fou. Quand par exemple, on se levait, nous, à 6 heures, une heure après les femmes. Et oui, parce qu'on devait préparer la bouffe pour les hommes, évidemment. Tout n'a pas toujours changé. Mais voilà, on se levait pour aller, nous, on était allé chercher du maïs dans un champ. Donc on avait marché avant ça pendant un quart d'heure en pleine jungle avec mon votan à côté de moi, avec qui on dialoguait sans vraiment se comprendre à chaque fois parce que je parlais pas tout à fait espagnol. Et du coup, c'est un peu compliqué au niveau des échanges qu'on pouvait avoir. Mais on a quand même réussi à passer 6 jours, 5 jours ensemble. Et même si on ne parlait pas la même langue, on se comprenait tout à fait sur les plus gros points, quoi, sur les idées de base. Ouais, surtout qu'ils vivent assez simplement. Donc en plus, au bout d'un moment, tout devient évident aussi. Quand on resserre les taux et juste les choses essentielles de la vie principale, le partage, la vie, le cœur, regardez. Il y a un truc qui m'avait frappé, c'est qu'on est arrivé, il n'y avait pas d'électricité hein, dans ce village, mais ce qui m'avait frappé justement, parce que c'était rigolo, parce que du coup justement ta mère en tongue, des enfants, etc. On s'est retrouvés, je dis ça parce que du coup ta mère en tongue s'était peut-être un peu identifiée dans leur tête aussi avec troubles d'enfants, même si c'est finalement plutôt des adultes ou des adolescents qui sont venus. Parce que c'était trop compliqué d'organiser un voyage, ça aurait peut-être pas eu de sens par rapport au spectacle qui était en train de se préparer, justement de faire partir des enfants de ta mère en tongue là-bas au Mexique, même si ça aurait valu le coup en termes d'expérience, évidemment. Mais on est arrivé, je ne sais pas si tu te rappelles, il faisait nuit, et tout à coup, on a entendu un chant, et c'était l'hymne zapatiste, c'est des mômes qui nous disaient « Viva la sexta, viva !» Et ils étaient au moins 50 mômes. Et en fait, tu n'entendais que des voix d'enfants, et par dizaines. Et donc, en fait, c'était ça, c'était assez touchant. Tu disais « Mais on est arrivé où, quoi ?» Enfin, tu n'entendais pas de voix d'adulte. Je ne sais pas si tu te rappelles. Enfin, ça m'est frappé parce que... Et du coup, quand on a fait une photo de groupe de toute la communauté... En fait, cette photo de groupe, on l'a justement l'année dernière, je l'ai déposée de votre part aux gens de Monterrey, enfin fait parvenir jusqu'aux gens de la Garucha de Monterrey, où il y a la photo de toute la communauté, ce qu'ils ont rarement d'ailleurs, comme c'est rarement des photos de groupe. Et donc là, on leur a fait passer une photo de groupe. Et donc, je pense qu'en plus, il y a plusieurs années qui ont passé, donc je pense qu'ils vont être très contents de voir comment ils ont grandi, mais c'est surtout qu'il y avait plein d'enfants. Et en fait, il y avait autant d'enfants que d'adultes. Très facilement, même plus. Ouais, quasiment plus. Et puisque, bon, il y a quelques anciens et quelques personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais du coup, ils faisaient énormément d'enfants, précisément parce qu'ils avaient, comme on a pu le dire, pris des terres, ça faisait partie de terres qui avaient été récupérées, et donc ils avaient énormément de terres à cultiver. Et donc ils racontaient, on a tellement de terres à cultiver qu'on a de quoi manger, et donc c'est pour ça qu'on a plein d'enfants. Et je le dis parce que du coup, justement, dans ce processus d'émancipation, les femmes, elles ont quand même décidé de ne plus avoir des enfants 3, 5, 7, 12. Donc ça, c'est plus possible si tu choisis le nombre d'enfants que tu veux. Donc voilà, les familles ont un petit peu réduit en nombre d'enfants. Du coup, là, tu te retrouves dans une communauté où il y a plusieurs familles qui ont plusieurs 5, 7 enfants très facilement, ce qu'ils ne voyaient plus depuis des années, justement, parce que les femmes ont un peu... Milola, parce que sinon bah, tu peux effectivement plus vivre autre chose que l'enfantement, la maternité, etc. Et donc du coup là c'était assez marquant, je trouvais, justement cette rencontre avec tous ces enfants, enfin je trouvais que ça faisait écho en fait, tous ces enfants avec totalement, et totalement. En pensant justement à tous ces enfants de ta mère Anton qui mériteraient bien de vivre un petit séjour avec les apatistes. C'est sûr, enfin, tout le monde d'ailleurs. On conseille à tout le monde d'aller s'imprégner de cette expérience. Carrément, mais en plus, il y avait un sens de l'accueil. C'était incroyable. On venait de passer 8 heures dans un camion à voyager à travers le Mexique pour arriver à Monterrey. Du coup, c'était un voyage qui était fatigant pour nous, mais arriver là-bas, moi je me rappelle vraiment. Là, tu viens de me le rappeler en soi, mais du coup, il y a tous les souvenirs qui reviennent. C'est qu'arriver là-bas, moi j'étais fatigué, mais. Entendre tous les mots me dire viva, viva la sexta, viva le pueblo, je me rappelle. Machin. Et enfin, j'ai tout oublié, toute ma fatigue, tout le trajet que j'avais passé, qui était incroyable malgré tout, parce qu'on était passé devant des paysages de fou. Mais moi je pensais on allait rentrer, on allait dire bonjour, après on allait se reposer. Et là, merde, il va falloir manger en plus, nous en faire à manger. Il y a eu un repas après, c'était un accueil de malade et toute ma fatigue, elle a disparu. Et... Sauf à la fin quand même, à la fin du repas, j'étais un peu patraque, mais enfin, c'était un accueil, ouais, franchement, c'était un accueil fabuleux, ouais. C'est ça, et ta mère Anton, du coup, finalement, maintenant, commence à être connue chez les apatistes, puisque, bon, ils invitent en général toutes les personnes qui sont adhérentes ou toutes les personnes. Bon, voilà, ils ont une liste de personnes qu'ils invitent à tous leurs événements, mais du coup, bah, TMT répond quand même présent, finalement, régulièrement, puisque vous êtes venu à l'Escuelita. Puis, il y a eu également, au moment du séminaire contre l'hydre capitaliste, il y a 2 ans, bah, voilà, donc TMT a envoyé un film qui était très très bon. Et donc, on va en faire un DVD là, en français et en espagnol. Voilà, parce que c'est ça. Bah, il a été très très bien reçu, il a été projeté du coup au public et du coup il a été très très bien accueilli. Et je crois même que certains ont demandé à le revoir et ouais. Il y avait à avoir une nouvelle projection capsule qui avait été envoyée, donc bah, c'est très bien qu'elle puisse circuler en français et qu'on puisse justement voir comment à travers cette expérience se joue tout ce jeu de miroir, de comment on est vraiment en train de se laisser écraser par un système, enfin se laisser, non, qu'un système est en train de nous écraser complètement et comment il y a des petites bulles d'oxygène et d'expérience qui peuvent te dire que ben, on peut peut-être se maintenir et puis résister et puis peut-être faire naître autre chose. Donc bienvenue, on fait une petite pause musicale ou pas trop, hein, parce qu'en fait je crois plutôt qu'on avait prévu de passer le compte là, hein. On avait prévu de passer le compte ou pas dans notre timing, je me suis complètement trompée parce que, ah lui toi aussi tu t'es trompée en face. Bon bah alors écoutez, je ne sais pas ce qu'on fait, on fait une petite pause, mais par contre si c'est le compte, ben, faut que je l'annonce. Parce que ça fait partie. Tout à l'heure, on va vous passer un conte qui a justement encore dans ces rencontres, ces chemins qui se croisent entre les apatistes et TMT. Il y a justement eu un ouvrage des contes rebelles. C'est des contes qui ont été écrits par le sous-commandant Marcos donc au fil des années. Et donc, plusieurs d'entre eux ont été mis en voix par plusieurs artistes. Et donc, il y a un conte qui a été mis en voix par des personne de Ta Mère en Tongue, Philippe, qui est metteur en scène. Et chorégraphe combat voilà. À Ta Mère en Tongue. Et Matita. Tita. Qui fait partie de la troupe de Saint-Denis, qui joue Anatilia dans La Tzigane de Lord Stanley. Voilà, c'est ça. Donc, on vous propose d'écouter ce conte. Et donc, justement, puisqu'on a déjà parlé des apathies de TMT, donc voilà cette rencontre où ces chemins se croisent. L'autre jour, pour changer, Tonita a pénétré sans autorisation dans le commandement général de l'EZLN, une forteresse réputée inexpugnable. En réalité, il s'agit d'une petite cahute. J'étais en train de réfléchir aux thèmes qui seraient les plus appropriés pour ces tables prétendues rondes du festival de la Digne Rage, quand je me suis rendu compte que Tonita était à mes côtés. Hé hey, toi ! Écoute, soupe ! Ça ne va pas ce que tu fais comme ça. Elle me montrait une photo grandeur nature d'Angelina Jolie, légèrement vêtue. Ça ne va pas que je fasse quoi ? Et je révisais les barrières anti-Tonita que j'avais disposées pour éviter qu'il se passe ce qu'il se passait. Eh ben, ce que tu fais là comme ça ! Pourquoi tu as cette dame toute nue avec toi ? J'ai allumé ma pipe et j'ai répondu. Premièrement, elle n'est pas toute nue. Je ne demanderai pas mieux. Et deuxièmement, elle n'est pas avec moi. Je ne redemanderai pas mieux. Tonita, comme à son habitude, a raté une partie du film, car elle me demande... Et le troisièmement ? Quel troisièmement ? Ben, s'il y a un premièrement et un deuxièmement, il y a un troisièmement. Moi, j'étais troisième à l'école. Tonita oubliait de préciser qu'il n'y avait que trois élèves dans sa classe. Comme je ne veux pas me lancer dans une polémique, je lui propose que si je lui raconte une histoire, alors elle s'en ira la raconter aux autres. D'accord, vas-y, je t'écoute. Elle s'assoit par terre. Bon, il y aura une fois... Et il va y avoir du pop-corn ? Comment ça, du pop-corn ? Ben oui, du pop-corn. Comme quand on regarde un film. Non, Tonita, c'est un conte, pas un film, et il n'y a pas de pop-corn. Bon, vas-y, je t'écoute là. Donc, il y aura une fois un sous-commandant qui était très méchant et qui se fâchait très fort contre les petites filles qui venaient sans permission dans le commandement déranger les gens. Tonita prête attention. J'en profite pour donner un tour pédagogique au récit, avec un style et une méthode à faire pâlir les plus grands maîtres en la matière, Paulo Freire et Anton Makarenko. Alors, quand une petite fille se glissait sans permission dans le poste de commandement, le sous-commandant, il sortait sa machette et tchac, il coupait la tête de la petite fille. Oh là là ! Tonita écarquille les yeux. Terrorisé. Voyant que le concept éducatif essentiel faisait son chemin, je décidai de renforcer le récit avec cette technique marcosienne qui m'a valu une grande réputation dans les colloques de psychologie où l'on cite beaucoup Freud, Fromm, Luria et tout ça. Et la machette n'était pas aiguisée pour qu'elle mette plus de temps à couper. Et elle était bien rouillée en plus pour que la blessure s'infecte. Tonita, horrifiée, s'attendait à un happy end. Et après ? Et après quoi ? Ben, la suite de l'histoire ! Eh bien, il a fallu faire beaucoup de piqûres à la petite fille pour qu'elle ne s'infecte pas. C'est fini ! C'est fini ? Eh ben, soupe, alors là, tes comptes là, ça ne va pas là ! Bien sûr que ça va. Et maintenant, sors de la cahute. Oui, je m'en vais. Mais ça sert à rien d'avoir la dame toute nue là, s'il n'y a pas de pop-corn. Et elle s'en alla. L'affaire ne s'arrête pas là. La réunion à laquelle j'assistais avec les compagneros du comité se termina. De retour, bouclant mon sac à dos pour regagner le cantonnement, je m'aperçois que ma machette n'est pas là. Tonita. Je la fais appeler. Quoi ? qu'est-ce que tu veux? Écoute, Tonita, je ne trouve pas ma machette. Tu ne l'as pas vue? Non, mais je vais te raconter un conte. Écoute-moi. Il y avait une fois une petite fille très belle, juste comme moi, et qui s'appelait Tonita, tout comme moi. Et alors, il y avait un sous-commandant très méchant qui voulait lui couper la tête avec sa machette. Et pourquoi il voulait lui couper la tête? Je tentais en vain de reprendre le contrôle de la situation. Allez savoir, je crois que ça lui est venu à l'idée comme ça. Et alors, bon, la petite fille s'est glissée en cachette dans la petite maison de ce sous-commandant. Et alors, elle a pris la machette de ce sous-commandant et l'a jetée dans les cabinets. C'est fini. Tonita dit ce « c'est fini » déjà bien hors de ma portée. Donc, je crois que je sais où est ma machette. Maintenant, il ne reste plus qu'à la récupérer. Il y a un ou une volontaire? C'est fini! La jungle des luttes, donc on est encore ensemble une petite demi-heure à peine, et donc on est avec les copains de Ta Mère en Tongue, la compagnie de théâtre qui travaille donc essentiellement avec des enfants, mais qui donc demande un travail d'accompagnateur, d'adulte, et puis du coup voilà sur scène, et donc avec cette possibilité justement de pouvoir mettre en voix un conte écrit par les apatistes. Et donc il y a aussi cette rencontre aussi, peut-être parce que les apatistes ont tellement ouvert leur champ d'action qu'ils ont vraiment appelé tout le monde et pu éveiller et créer des petites lumières chez plein de gens. Et donc Zine a fait partie des gens qui ont tout de suite eu envie de pouvoir embrayer en prenant la mesure de ce que eux proposaient. Paysans indigènes depuis le Chiapas, qui lançait un appel au peuple du monde entier à se soulever et à créer autre chose. Et donc du coup, il y a tous ces échanges qui permettent à tous de créer autre chose. Et donc l'aventure Ta Mère en Tongue, c'est aussi un espace où tous ces enfants qui rentrent, qui passent, finalement, comme on le disait, créent des jeunes... peut-être plus conscient qu'avec cette envie de faire du théâtre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de retours aussi de gens qui sont passés par Ta Mère en Tongue, qui reviennent, qui repassent faire un tour, qui... Bah oui, à chaque fois qu'on joue, notamment sur les sites où on a des ateliers, on a des anciens qui reviennent et qui font partie de cette communauté-là et qui s'y retrouvent. Ils sont toujours... très content quand les anciens de Ta Mère en Tongue les reconnaissent. C'est toujours... ils font partie de cette aventure-là, même si après, chacun vit sa vie. Nous, on les encourage à avoir un métier et à bien le faire. C'est déjà la base des choses. Et puis, ils reviennent avec la diversité de leur parcours. Mais en tout cas, ils sont toujours contents et on est toujours content de les retrouver. Ouais. Et c'est ça. Donc il y a Jab qui fait partie de la compagnie, qui est danseur, on le disait tout à l'heure, qui lui l'année dernière s'était proposé de venir au Comparté, donc une autre initiative organisée par les apatistes auxquelles ont été invités Ta Mère en Tongue évidemment. Et donc là ça paraissait encore plus évident de participer au Comparté qu'autre chose, puisque Comparté c'est un jeu de mots entre compartir en espagnol qui veut dire partager, et donc arte, partage ton art ou partage autour de l'art, ou l'art comme base à partir duquel on peut partager. Donc du coup ça prend tout son sens pour ta mère en tongue d'être présent. Donc là, évidemment, compliqué de déplacer tout le monde, etc. En tous les cas, Jab s'était lancé dans l'aventure en se disant, bon, bah, moi, j'y vais. Après, on a eu l'occasion d'en parler. Ce festival a été un petit peu à changer de forme un peu au dernier moment, puisque les apatistes ont décidé de ne plus y participer, puisque tout ce qu'ils avaient investi pour leur participation, ils ont décidé de le donner aux profs qui étaient en lutte et en grève et en résistance depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc il y a une décision politique des apatistes aussi, parce que le fait de se désengager de ce festival, ça marquait le coup, tout autant que de pouvoir évidemment apporter cette solidarité qui était évidemment des kilos de café, de riz, d'huile, etc. Et tout l'argent qu'ils avaient mis de côté aussi pour leur transport. Donc tout ça a été versé al magisterio, comme donc au prof quoi de du Mexique. Et donc il y a eu une sorte, bon voilà, du coup une petite sorte de confusion. Donc il y a pas mal de gens qui ne sont pas venus, qui se sont dit, bon, si on rencontre pas les apatistes, c'est trop dommage. Et effectivement, c'est trop dommage. Bon, finalement, ils nous ont offert une journée, donc on a pu partager justement l'art des uns des autres et puis des apatistes aussi. Mais donc cette année, ils réitèrent la proposition de faire donc un comparté où donc normalement, si tout va bien, les apatistes seront présents et où de nouveau quelqu'un de TMT sera présent a priori. Donc une Lula qui du coup travaille aussi sur la mise en scène. Je la connais pas du tout, par contre. Elle est sur la régie générale. Voilà, elle est revenue nous filer un coup de main cette année. Elle travaillait sur la tournée du spectacle Les Bons, les Brutes et les Truands il y a quelques années. Et là, on a eu le plaisir de retravailler avec elle lors des dernières représentations de la Zigane de Lord Stanley. Donc voilà, ce sera l'occasion de continuer encore le lien. Il n'y a rien de définitif, mais on construit le fait qu'elle puisse être notre déléguée Z. Bah oui, il faudrait. Bon, il y aura toujours sinon moyen d'avoir des messagers, mais je pense que c'est vrai que c'est important. Comme le disait Mélie, c'est vrai qu'une fois qu'on est en face, dans la réalité et dans ce partage, il y a un moment où du coup on a des petits déclics et ça fait toujours du bien d'avoir ces déclics du coup. Ouais, bien sûr. Ça devient moins abstrait quand on commence. C'est plus de l'ordre de l'abstrait quand on rencontre les commandants et qu'on voit l'envers du décor mexicain et des luttes auxquelles ils prennent part là-bas. C'est sûr que nous, on est bercés, enfin moi j'étais bercé quand on était petit par le spectacle Zorro El Zapato qu'on menait et tout ça, mais aller là-bas à la rencontre des commandants et dans toute, comme je disais, dans toute l'ambiance qui était celle de la lutte zapatiste en 2001, bah ouais, même si on est petit, on se rend bien compte que ouais, ça va bien au-delà que du simple spectacle de Zorro El Zapato. C'est quelque chose qui est dans l'histoire, quoi. Voilà, on est partie prenante de ça. Donc c'est important de maintenir le lien. Ouais. Donc on espère que justement Lula pourra vous raconter ce bout d'histoire de partage avec les apatistes. Puisque bon, de toute façon, les apatistes proposent toujours des nouvelles initiatives. Il y avait aussi le CNI qui s'était rencontré l'année dernière, donc le Congrès national indigène qui donc avait proposé justement de créer aussi un choc, un peu comme en 94 avec le soulèvement en armes, en disant stop, on passe à autre chose, il faut autre chose, en sachant pas ce que ça allait pouvoir créer, mais en tous les cas en se donnant les moyens de pouvoir créer autre chose et donc d'ouvrir une brèche. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et donc il y a eu le CNI qui a été créé, le Congrès national indigène, et qui du coup après le comparté se réunissait pour fêter ses 20 ans en octobre. Et donc là, il y a eu une décision majeure qui a été prise, puisque ça a été la décision de présenter une femme indigène, donc porte-parole du CNI, aux élections, en sachant qu'en réalité, du coup, l'objectif final, véritable politique des apatis, c'est effectivement de créer, de mettre la lumière sur les communautés indigènes, sur ce qui est en train de se passer, puisque la plupart des communautés indigènes qui font partie du CNI sont agressées par des projets, des grands projets, comme on appelle ici, des grands projets capitalistes, se défendent depuis leur petite communauté et sont du coup forcément réprimés puisque ça marche ensemble. Évidemment, les entreprises, etc., toujours couvertes par les forces de police et les gouvernements. Donc du coup, il y a eu une mise en avant là, de cette situation très précaire dans laquelle se trouve un bon nombre de communautés, tout en mettant en avant cette capacité de résistance et cette capacité à peut-être du coup, peut-être maintenant, après 20 ans, justement créer un conseil indigène de gouvernement et du coup ne plus rester isolé et résister, bien qu'il y ait eu des communautés qui avaient créé leur propre autonomie, enfin, et donc mis des gouvernements officiels dehors, et donc avoir pris en charge la municipalité, et donc essayer de créer une autonomie. Certains ont été réprimés, certains ont duré des années, certaines quelques mois, d'autres ont créé des communautés plus à la mode zapatiste, c'est-à-dire sans prendre le pouvoir municipal, mais en pouvant eux-mêmes, ceux qui sont dans cette organisation de l'autonomie, ne rien prendre de l'État et ne rien non plus donner, ne rien attendre. Mmh. Et donc étant indépendant, et donc du coup l'objectif du CNE aujourd'hui, c'est de passer un cap. Et donc avec cette candidature qui a fait beaucoup de bruit et choqué, parce que comment on présente une candidature quand les apatistes n'ont pas arrêté de dire qu'on lutte en dehors du pouvoir, précisément, voilà, c'est très compliqué à comprendre. Mais en même temps, quand on est depuis le Mexique et depuis les apatistes et le CNE, on comprend très bien que l'objectif, c'est pas de prendre le pouvoir, que eux-mêmes, le CNI, pour la majorité des membres du CNI, personne ne peut voter puisqu'ils n'ont pas leur carte d'électeur, pour la plupart. Donc, évidemment, les voix que cette candidate aura, ce ne sera pas forcément les voix du CNI lui-même, sachant que l'objectif final, c'est donc de créer un conseil indigène de gouvernement et de devoir justement faire face et résister comme peuvent le faire les apatistes depuis des années au Chiapas, mais du coup, de pouvoir le faire au niveau national, ce qui permettrait à toutes ces communautés qui sont dans des situations très complexes et difficiles aujourd'hui, sachant qu'il y a pour certaines, il y a le narcotrafic qui, du coup, est même principalement leur adversaire au jour d'aujourd'hui pour certaines communautés. Donc voilà, il y a des situations très complexes et on invite donc tout le monde à suivre justement le déroulement de cette campagne avec des échéances, puisque donc les élections auront lieu dans un an à peu près, puisque ce sera début juillet 2018. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, il y a une déléguée, donc on va suivre cette histoire. D'ici là, la TMT va faire sa route, et puis on espère un jour être de nouveau encore ensemble, au-delà du comparté prochainement avec Lula, on espère être de nouveau ensemble au Chiapas avec TMT. Mmh. On finit avec un dernier petit morceau et après on va passer juste pour finir. Non, on avait les Berus, la liberté, non? On se met celui-là et puis après on parlera un petit peu, puisqu'on parlait de TMT qui crée des jeunes conscients, pas forcément des jeunes avec du talent, théâtre, machin, avec une carrière artistique. Puis en même temps, bah quand même, il y en a quelques-uns. Hein. Ouais, on parle comme ça. Donc on était en train de dire, voilà, l'idée c'était plutôt voilà, l'émancipation, tout ça. Ouais, mais du coup, justement, à travers le rap, il y a tout un tas de messages aussi qui peuvent passer, se construire d'autres façons de se relationner aussi à la parole, justement. Et donc, on sera avec Mehdi, justement, que vous avez déjà écouté tout à l'heure. Mais là, on finit avec un petit morceau des Berus pour nous rappeler la genèse. Liberté. Liberté. Chansons ne veulent pas de prison. nos sœurs, nos frères ne veulent plus se taire. Révolutionnaire. Nos montagnes, nos vallées, écorchées et polluées, notre cœur, nos fiertés, gommées, les fautudés, et les fautudés, nos peurs, nos avances, notre vie, notre errance, toutes nos peurs, nos galères, ne veulent plus de misère, oui, assez de misère. Redressons-nous debout. Atmosphère, atmosphère, atmosphère, atmosphère. FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3, la jungle des luttes, on est ensemble pour quelques minutes encore et donc on avait eu tout un programme musical sélectionné par Ta Mère en Tongue. Et donc justement Gab, tu voulais nous dire pourquoi vous y aviez choisi En fait, Liberté des Béruriers Noirs, c'est la nouvelle dernière chanson du spectacle La Tzigane de Lord Stanley. On a instauré ça lors de nos dernières représentations en mai à la Maison des Métallos pour affirmer fortement cette valeur de liberté qui est centrale à Ta Mère en Tongue. Parce qu'en France aussi, on était dans un contexte électoral jusqu'à hier, et contexte dans lequel, évidemment, en tant qu'association, on ne prend pas parti, mais on est là aussi pour interpeller ceux qui nous gouvernent sur le fait que, d'une part, il faut donner toute sa place à la jeunesse, à l'éducation, à la culture, à ce qui nous construit, et d'autre part, qu'il n'est pas question qu'en distillant la haine, certains se mettent à construire des murs entre nous. Hein, je sais que le prochain Comme Partez, c'est aussi sur ce thème, contre les murs, les arts réunis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis cette chanson, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait réfléchir les enfants sur ces valeurs-là. On fait ce qui s'appelle des conseils des tongs, où on réfléchit sur des sujets collectivement, et on l'a fait vendredi dernier parce que bah aussi dans tout ce travail qu'on fait avec les familles, on a constaté qu'à la Plaine Saint-Denis, les jeunes, dont ceux qui sont à Ta Mère en Tongue, avaient des relations extrêmement violentes avec les forces de police, avec certains policiers, des policiers qui se conduisent comme des voyous avec les jeunes du quartier, à les harceler. Et donc on a fait réfléchir la troupe là-dessus, non pas à ce qui rentre dans une logique d'affrontement en disant on va être anti-flic, mais en étant dans une logique où ils arrivent à connaître leurs droits, à savoir ce qu'on a le droit de leur faire et ce qu'on n'a pas le droit de leur faire, et qu'ils arrivent à développer des stratégies qui sont importantes dans nos quartiers pour pas tomber dans la spirale de la violence. Donc voilà, c'est à ça que ça faisait un petit peu écho, ce morceau Liberté. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, du coup, il y a un vrai travail, je pense, à TMT, il faut quand même vraiment le souligner. Donc, vous ne jouez pas l'assistante sociale, mais en tous les cas, vous ne prenez pas les personnes juste pour... pendant 2 heures, on travaille, c'est le théâtre, voilà. Donc, tu as ton texte, tu as ton rôle, tu t'y tiens, il y a une discipline, le théâtre, etc. Non, donc, comme tu disais, il y a des valeurs, donc voilà. Et justement, les valeurs, ça se met en pratique dans comment on se croise dans le couloir ou dans les loges, comment on se comporte avec son copain. Et du coup, comme on est avec des jeunes en formation, enfin comme tout jeune, enfin je veux dire pas spécialement ceux qui sont avec vous, donc voilà, ça fait l'apprentissage de la vie. Donc ça, du coup, il y a aussi un travail aussi de valeur qui dépasse le cadre de l'aventure collective en tant que telle, quoi. C'est un... Et sans faire les assistantes sociales, parce que nous, on fait du théâtre, on est quand même en capacité, et c'est aussi ma fonction en tant que coordinateur famille-quartier, de faire du lien avec les familles pour que quand un problème se pose, qu'il soit d'ordre scolaire, sanitaire ou autre, on puisse les orienter vers les associations, vers les structures qui sont compétentes là-dessus. On ne va pas régler le problème nous-mêmes, mais on va être présent parce qu'on a un lien super fort qui a été tissé depuis des années avec ces familles-là pour les emmener vers la résolution de ce problème. Bon, merci beaucoup à vous, les copains de Ta Mère en Tongue, chevalier de la Tongue. Tout le monde est chevalier de la Tongue quand on est à Ta Mère en Tongue, ou faut passer des épreuves? On le devient. C'est pas par des épreuves, c'est par la pratique. Oui, c'est ça, les épreuves. Et donc justement, Mehdi, on va écouter, pour finir, avant notre générique, on va mettre un morceau de Mehdi. Du coup, si tu veux bien nous présenter un peu toi, qui, quand, quoi. Alors ouais, moi c'est un groupe avec des poteaux du collège ou même de l'école, certains. Et ça fait... Du ça quartier fait, de Belleville, c'est, donc. Ouais, c'est des poteaux de mon quartier à Belleville. Et ça fait 5 ans qu'on fait du rap ensemble. Et là, le morceau que j'ai amené, c'est un morceau un peu technique sur une instru à l'ancienne de Public Enemy. Et c'est un groupe avec qui, ouais, on a commencé cette année à faire un tremplin. Et du coup, là, j'ai la voix cassée parce qu'hier, on était en concert pour la finale de ce tremplin, justement, au Bataclan. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et justement, Ta Mère en Tongue, ça aide aussi en concert. Moi, ça m'a aidé, par exemple, pour être à l'aise sur scène devant un public. Pour, t'as justement pour la... eu le prix du show hier. Ouais, on a eu le prix du show, c'est ça. Et tout en arrivant cinquième, c'est ça. En arrivant cinquième au concours, final, ouais. Carrément. Mais du coup, c'est l'habitude de jouer devant un public, ça se traduit, même si c'est deux univers qui sont différents. Le théâtre et la musique et les concerts, mais ça fait partie du spectacle tous les deux, et du coup il y a quand même des ressemblances qui sont présentes, et le théâtre m'aide du coup pendant les concerts. Super, on écoute, voilà. C'est bon, bravo. Et le morceau, c'est Chronomètre. Bravo à vous, merci beaucoup. Comme on est sur la fin, merci. Je pense qu'on enchaînera direct avec notre générique. Merci à vous. Ben merci. Merci pour l'invite. Lance-balle, chronomètre, chronomètre. Mettre du temps en a chauffé l'instru de ta sonomètre. Chronomètre, chronomètre. L'atelier va foutre ma lettre. Tiens qu'un pogo mec s'appelle lance-balle, chronomètre, chronomètre. Mettre du temps en a chauffé l'instru de ta sonomètre. Chronomètre, chronomètre. L'atelier va foutre ma lettre, va foutre ma lettre. Lance-balle, chronomètre, ma gueule, ouais, photo se blesse, la feuille au chrome presse, matin gros, je m'apprête, pas seul à bloquer le temps, sa beauté la basse, ma prose élégante, sa beauté ta basse, son bien chevauché de l'album, boum, bâtard, l'effet d'un coup de poignard, tous calmes et poules, bah vous dégoûtez, coups, ça rappe, tous rabattent, flot précis comme les orfèvres, on a rangé le chrono pour l'horloge de Flavor Flav, on a passé 2 heures à écrire nos mots au vite, en contrôle la montre, on a des récits chronologiques, on casse la sonore au micro, c'est laisse ma bas et le bave. On est barres, m'amène je bague. Quand des bacs et te bavent, de reflets et collègues qui se connaissent depuis le collège. Quand il est pro, stop les aiguilles de ta Rolex. De colosse qui se complète en rap. Envoie ton or au maître, on a niqué la prompte, va full, balance le chronomètre. Lance-balle, chronomètre, chronomètre. Mettre du temps, on a chauffé l'instru de ta sonomèque. Chronomètre, chronomètre. L'atelier va full malaise, pire qu'un pogo mec. Ça fait lance-balle, chronomètre, chronomètre. Mettre du temps, on a chauffé l'instru de ta sonomèque. Chronomètre, chronomètre. L'atelier va full malaise, va full malaise. Ok, laisse ma team ou laisse mat, mais Uber ou une paire de plaques de barre qui ressemble le vossa comme une table de pure feu. Donc passe et j'fous le camp. Exerce mon art du temps, ressort de la salle du temps serein. Mon thème serein. Vite qui performe, hyper fort, donc performe et marque plus un point. On fait sa vitesse, valeur s'il te plaît, envoie le décompte. Nique le Medef et Bélec, vos vieux décons. Non mais sérieux, quand je rabats, je deviens souvent tout lent. Un sous-entendu et soudain ne me pas dans tous les sens. Ou une censure auprès des feux, me car je suis sensible. Si vous saviez du souci, mes parents s'en font. Des paroles s'en font, moi en vrai je suis censé. Ça c'est les 5 cas dans son, demande à l'associé. Bientôt tous les projets tu vas nous guette. Donc lance pas le chrono et va te permettre. Lance pas le chronomètre, chronomètre. Mettre du temps, on a chauffé l'instru de ta sonomec. Chronomètre, chronomètre. L'atelier bas full malaise, pire qu'un pogo mec. Ça fait lance pas le chronomètre, chronomètre. Mettre du temps, on a chauffé l'instru de ta sonomec. Chronomètre, chronomètre. L'atelier bas full malaise, bas full malaise. On s'étonne et on tape une suite, on t'impend. Quand on t'a tant, on t'a fait quand on t'a mis, on t'a pu. Et bon, en tête à tête, que tu t'es mal à tu me t'entends. Le truc est trop tapé et t'es qu'à tout un pile t'attire. Ouais, dis-moi, démoniaco, Mike, y'a pas de remix. Roule une batte, ramène les gars, puis ça part en débat. Dès le début, va trop vite. Depuis que je suis debout, tu mates la démo des Montomax. Du tous les mots qu'on débite. Si Paris t'attire, la team applique la rue de la ville, pas de cicatrice. Y'a si la chine d'Achnik applique la big crap. Vive aussi la vie d'artiste, à qui casse, ça dit pas. Si ma fille applique la fille, la fille, ça gifle la dix. Si ça pisse à piston, sinon d'office, on est ficha. Envoie du fat, car en fait, c'est pas un beat, mais une fusion de frangin. Pas de faux frère, la TL pour toi, c'est la fin. I said.